Some of these girls go too crazy. Qu'est-ce que tu nous racontes d'aplomb? On va t'éliminer de ton concours de folie. Même du sale, je vais te le faire propre avant de te plier, donc tout doux, cajoline. À la conquête des ondes pour du billet, j'y vais, yep, j'ai pas de voler. L'arbalo, le monde, back, c'est secret, pas poli. Génération tarée, paye le loyer sans travailler comme les gravons, t'as la gabrure. Veux péter le million et se barrer en découpant des bites comme des savons, comme de la pure. Sans mettre à gauche pour un baveux, nique les matons, nique les bavures. Je te le dis une fois pas deux, je ne sais que rouler, faire des cartons mais pas qu'en voiture. Vos meufs sont folles, ne veulent que festoyer. Le ref en taux, le veut le seul plaidoyer. J'arriverai comme un kiss cool, notre rap qui pue la merde, trop de gueule à nettoyer. Pacos locos sous les projos du V10. Les villageois se reconnaissent. Paro grosso comme mes Everett, c'est sente les fesses. Shit sous la bite, grosse coronesse. Crazy. Moi c'est back. Moi c'est back. Moi c'est 1 Secret. J'rappe avec le cap qu'avec le Giro. J'prends vite le sommet du recul. T'as une de ces perles bleues des Giro. Nous c'est vie en purple, du sein et du PQ. J'fais un gépro avec un philosophe. J'ai un de mes frères qui est pharmacien. Des litres d'héros, des kilos de com. De quoi être vert mais pas martien. Nous c'est Jack Daniels, pas Martin. Tous les jours, soir, après, bon matin. Non, ne sont pas vers Cactus ou Alepic. Tu vas faire un apartus, roule un stick. Quête plat sur quête plat, red bas sur red bas. DJ Caro, red ma. J'pera, j'm'arrête pas, j'm'inquiète pas. J'ai croquis, j't'a autoligma. Raille des marrants, itrima dans l'allée. Les condés, laisse les pénaves, laisse les parler. Fais ton blé. Dis-leur qu'on envoie des mandats, qu'on fait pas d'amende. Y'a que nos mamans qui peuvent nous frapper, nous gronder. T'as fait des plats, on t'a cramé, t'es tombé. Mais allez, on va te relever. Tu fais le brave, on va te calmer, te montrer. On va te bé d'arbre cette année, tout fonce de. Moi c'est back. Moi c'est back. Moi c'est 1 Après. Je avec les clés, Maurice et Melka. Total swag à Francis Brelta. Moi je gratte, j'allume au Beretta. Et je craque, manu comme Vegeta. Les petits font le détail, les PC tasses. Mes frères vont naftir te vendre des tasses. J'ai du bon tagat dans ma tagat, y'a raté pris sans feu. Frère dangereux, ne nous fais pas la guerre. C'est parce qu'on se bouge que c'est moi la hesse dans mon secteur. Crac, sa vie sert des bourges, j'ai traumatisé l'inspecteur. La retour, mais c'est long comme le métro de Créteil à Yabala. Sur la tête de la tête à Yamala. Tu tires sur la bœuf, tu tombes malade. Tu bires, bluff, tu racontes des salades. Toutes ces mains sales méritent des salaires. Mieux vaut porter ses couilles dans son linge sale que d'avoir l'effet salaire. Moi c'est back. Moi c'est back. Moi c'est 1 après. Secret. Moi c'est back. Moi c'est back. Moi c'est 1 après. Secret.